Grosse semaine dans la NFL, beaucoup de nouvelles. On va en parler avec notre ami Tony Guzzo du site internet lebitsnfl.com. Salut Tony. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tony, grosse semaine évidemment. C'était la. Écoute, au Québec, ça a travaillé fort. C'est pas une grosse nouvelle. Dans la NFL, c'est pas une grosse nouvelle, mais au Québec, c'est une grosse nouvelle. Laurent Duvernay-Tardif qui a été échangé aux Jets de New York. Pas vraiment surprenant dans le sens que Duvernay-Tardif, écoute, il jouait pas. Puis les Chiefs ont des problèmes à la ligne à l'attaque. C'était donc. Il a mentionné en entrevue sur les médias québécois que la situation était insoutenable. Il faut dire aussi qu'il y avait une clause de non-échange aussi. Donc il a levé sa clause. Donc oui. Les pots se ramassaient avec les Jets, les puissants Jets de New York. Ben, il voulait, Dali, je pense qu'il a très bien dit en conférence de presse, c'est qu'il voulait jouer. Il veut se sentir désiré. Puis il faut mentionner que les Jets, ça faisait quasiment un bon 3 semaines là, que sont intéressés à Laurent Duvernay-Tardif. Puis comme tu as mentionné, il fallait s'en attendre. Laurent, il a pris une année de sabbatique, on va dire, là, pour s'occuper des cas COVID là, dans le réseau de santé au Québec. Donc, mais il fallait s'en attendre. Puis moi, je l'ai toujours dit, Laurent, quand il a gagné son Super Bowl, tu vois, il y a aussi des aspirations au niveau professionnel avec le côté médical, mais s'il n'avait pas gagné le Super Bowl là, avec les Chiefs, il serait demeuré là, il n'aurait pas fait ce qu'il avait fait là sur le réseau de santé. Donc, tu sais, gagner un Super Bowl, c'est tellement difficile. Il a réussi, puis là, il a réalisé qu'il veut aussi continuer à jouer, donc il veut démontrer c'est quoi sa valeur, puis lui aussi va se faire une évaluation pour les joueurs autonomes de son futur. Il est joueur autonome à la fin de la saison, il faut le dire. Oui, ben c'est ça, donc, ouais. Tu sais, je veux dire, je sais que c'est les Jets, là, c'est malheureux pour lui, là, mais il va jouer, puis il va démontrer sa valeur, puis, tu sais, je veux dire, un poste de garde, ça... Nous, en tant que spectateurs, on regarde plus ou moins ça, malgré qu'il faut le garder. Ben c'est une situation tellement... C'est une position tellement sous-estimée. Si ta ligne à l'attaque ne fait pas le job, ton carrière va avoir de la misère. On l'a vu au Super Bowl l'année passée. Pat Mahomes, je pense qu'il a couru pour 500 verges à essayer de se défaire de la défensive des Buccaneers. Par contre, ou encore ton porteur de ballon ne sont pas capables de bien enregistrer Donc c'est une belle situation pour Laurent Duvernay, là, justement, parce qu'il va être joueur autonome. On va voir. C'est quand même une équipe qui est en reconstruction. Donc, mais je pense qu'il est là pour augmenter sa valeur, puis de son côté à lui aussi d'évaluer où ce qui est rendu. Ouais. Mais c'était inévitable. Là. Donc, c'est un... on va voir si... parce qu'il y avait beaucoup de partisans des Chiefs à cause de Laurent Duvernay. Ouais. Je suis pas sûr... Moi, j'avais un chandail de lui avec les Chiefs, mais je ne suis pas sûr que je vais acheter un chandail des Jets parce que c'est dans ma division avec les Dolphins. C'est pas juste non plus. C'est une question aussi qu'on ne sait pas si les joueurs autonomes. Je te dis, les joueurs autonomes, tu as acheté ça peut-être pour rien. Hein. Non, ouais, c'est ça. Donc, on va voir. Je pense que tout le monde va regarder ça. Puis lui aussi, là, on va voir s'il va demeurer un Jets ou pas. Donc, on va surveiller ça, le dossier d'après. On va parler maintenant des Rams de Los Angeles qui sont allés chez Von Miller chez les Broncos de Denver. Évidemment, on est en ligne du côté des Rams. On veut gagner le Super Bowl. Le Super Bowl est à Los Angeles. Donc, écoute, Von Miller va apporter quand même de l'expérience à la défensive. Tout à fait, Dali. Puis ça va être vraiment, c'est très bien calculé. Puis comme tu as dit, c'est encore, je pense que les Rams viennent de dépenser déjà 5 choix pour le prochain repêchage. Ils n'ont quasiment plus de joueurs, je pense, au repêchage. Hein? Quasiment pas. Donc, j'ai pas la statistique comme telle, mais comme tu dis, ils sont vraiment all-in. Le prochain Super Bowl est à Los Angeles. Mais ça va être parfait autant pour les Rams, autant pour Von Miller, parce que Von Miller aussi, ça fait longtemps, depuis 2011, qu'il joue. Donc, il va rejoindre Aaron Donald, Jalen Ramsey. Donc, ça va être vraiment, tu sais, le joueur, là, il n'a pas besoin à donner autant comme qu'il a donné avec les Broncos. Donc, ça va être parfait pour lui et aussi pour l'organisation. Il va amener de l'expérience. Il a gagné un Super Bowl, il a été un MVP aussi. Donc, très bel échange. Denver sont allés chercher un deuxième et troisième choix. Puis en plus, ils vont payer les 9 millions des 9,7 millions qui restent au salaire. Donc, ils ont comme acheté le troisième round aussi. pour Denver. Donc, mais très belle. On a hâte de voir si dimanche soir, il est incertain parce que je pense qu'il est un peu blessé. Ben, il a pris le cahier de jeu aussi. Là. Exactement, oui. C'est ça, il y a le cahier de jeu, mais il va être en uniforme. On va voir au niveau du nombre de jeux qu'il va jouer, mais ça a été la plus grosse échange là, à la date limite. Et comme tu dis, les Rams vont all-in pour tout ça. Puis wow, c'est toute une équipe complète, là, ces Rams-là. J'ai hâte de voir ça, mais on a hâte de voir aussi Stafford, qui n'a pas l'expérience en éliminatoire. Oh, oui, mais ça va bien. Ça va bien pour les Rams. Autre grosse nouvelle, Odell Beckham libéré par les Browns de Cleveland. Odell Beckham, je pense que quelque part, écoute, la chienne était pognée avec Baker Mayfield au cours. Ouais. Puis même le père, semble-t-il, d'Odell Beckham a fait un vidéo Instagram, puis il faisait son analyse des passes que Baker Mayfield aurait pu y lancer. Incroyable, pareil, hein? Quand c'est rendu que tu as besoin de ton père pour faire bouger les choses, là. Ouais. Mais ça se peut, il y a du monde, il y a des journalistes qui racontent que peut-être c'était calculé aussi. Ouais. Mais OBJ, là, il y a eu des problèmes avec les Giants, il y a eu des problèmes avec les Browns. Moi, personnellement, il faut le blâmer lui-même là, dans cette situation-là, mais jamais 203, je pense qu'il va se trouver une autre équipe. Ben, il y a les Raiders, on va en parler tout à l'heure, c'est le prochain sujet, mais il y a les Raiders qui pourraient être dans la course. Tu as également surveillé les Pats également. Bill Belichick, je suis abonné à des pages des Pats, puis on en parlait que les Pats ont des problèmes dans les zones profondes. Par le passé, Belichick est allé en chercher des joueurs à problème. Oui, mais là, ce matin, ça a été officiellement samedi matin, là, Adam Schefter de ESPN, c'est que officiellement, il va être soumis au ballottage lundi. Okay. Au Beckham. Et les équipes ont jusqu'à mardi 16h, heure de l'Est, pour le réclamer. Mais dans l'entente, c'est pour ça que ça a pris du temps, l'équipe qui va le réclamer devra payer 7,25 millions. Oui, oui. Donc, c'est beaucoup. Il y a seulement 9 équipes. Ils ne réclameront pas, là. Exactement, mais il y a seulement 9 équipes qui sont capables de payer ça, puis les noms qu'on parle ne sont pas là. Fait que soit qu'ils vont réorganiser le cap salarial pour ça, ou ils vont attendre vraiment après le réclame de rompre là. Je suis ESPN, puis en même temps, je te parle, puis on parle des équipes qui sont le plus susceptibles d'acquérir Odell Beckham. On parle des Raiders, on parle des Saints de la Nouvelle-Orléans, les Seahawks de Seattle, les Packers, les Panthers de Caroline et les 49ers de San Francisco. C'est des équipes qui sont intéressées qui logiquement, qui aura un fit parfait et qui a de la place également sur le cap salarial. Puis la seule équipe qui a les moyens, s'ils veulent le réclamer, c'est les Panthers de la Caroline. Parce qu'à part de ça, les équipes qu'on a mentionnées, ils n'ont pas l'argent pour le payer. Donc, est-ce que ces équipes-là prennent le risque? Est-ce que j'ai bien hâte de voir ça. Donc, mais c'est vraiment malheureux pour OBJ. Mais il n'a pas compris. La Cleveland, c'est une équipe qui joue par la course. Et c'est sûr que son rôle en tant que receveur, il faut qu'il l'accepte. Mais qu'est-ce que c'est OBJ. C'est ça. Parlons de Aaron Rodgers, oui, qui lui, écoute, sa carrière est probablement terminée déjà. Premier choix des Raiders en 2020, 12e au total, connaissant et avait montré du bon potentiel, conduit sa voiture en état d'ébriété, tue une personne, et là, il fait face à 46 chefs d'accusation. Incroyable! Comment veut... Tu sais, à quelque part, c'est difficile de le blâmer, hein? Pas de pas le blâmer, le gars... Tu as tellement d'argent, comment le nez, là, regarde. Et puis, il roulait avec sa blonde, premièrement. Il était en état d'ébriété. Il a roulé à 250 km/h. Ça n'a pas d'allure. Je veux dire, moi, personnellement, vous voyez dans le site, le Blitz, là, on n'en parle même pas, en plus. Puis moi, je veux dire, écoute, tu as joué avec le feu, puis le jeu de mots, là, comme tel, là. Mais sa carrière est finie, malheureusement. Sa carrière est déjà finie. Mais pour les Raiders, c'est une grosse perte, compte tenu évidemment que c'est un premier choix. Là. Ça vaut de l'argent. Là. Ça vaut beaucoup d'argent. Aaron Rodgers également. Il y a du monde qui perce des dents. Moi tu sais ce que j'en pense. C'est la même affaire. Le gars, écoute, s'il ne veut pas se faire vacciner, c'est son choix. Sauf que là, ils ne sont pas en uniforme. Ben exactement, tu sais, puis on n'ira pas en détail, c'est sûr que. C'est sûr que lui, c'est un homme quand même très intelligent. Au mois d'août, il avait dit qu'il était immunisé, là. Fait que là, les gens disent, hey, il nous a menti parce qu'il n'est pas vacciné. Mais le gars, il a joué avec les mots, mais j'ai rien à dire. C'est son choix à lui. On vit avec les conséquences. Donc, il ne sera pas en uniforme. On va voir finalement un Jordan Love contre une grosse équipe qui est quand même les Chiefs. Donc, on va voir un peu. Ça va être une belle occasion pour les Packers, d'évaluer où est-ce qu'il y a Jordan Love, parce que s'il est capable de bien sortir, parce qu'on ne l'a pas mis du tout en action, ça va être une décision pour les Packers en fin de saison, dans le sens, est-ce qu'on continue avec Green Bay, ou, excuse-moi, est-ce qu'on continue avec Aaron Rodgers à la fin? Mais inquiétez-vous pas, les gens, là, même si Jordan Love connaît un gros match cette semaine, c'est sûr qu'on finit la saison avec Aaron Rodgers parce que Jordan Love n'est pas rendu au niveau d'Aaron Rodgers. Puis, en tout cas, le NFL va faire l'enquête par rapport au protocole, tout ça. Mais on n'ira pas jusqu'à là. Comme tu dis, ça a été son choix. On vit avec les conséquences. Non, puis... c'est drôle parce qu'il y a encore du monde qui le juge, mais ça, regarde, c'est une autre affaire. Puis... Ah, ben on le juge dans tous les niveaux, mais moi. Moi, là, je vais être honnête, là, il a été très, très intelligent dans ses démarches. Je pense que la NFL le savait aussi. Donc, tu sais, je pense qu'on va un peu pas mal loin. Là. Il y a des protocoles à respecter. C'est ça le protocole. Donc, il va être absent pour 10 jours. Il y a des tests à suivre. Puis, on verra par la suite. Ouais, effectivement. Moi, j'irai pas là. Je suis pas là pour le juger. On vit avec. Mais c'est un corps arrière, là. C'est pas comme un receveur, par exemple. Ah non, c'est sûr que là, s'il connaissait les règlements sur Rodgers, bon, c'est là que ça fait mal quand tu manques un corps arrière à cause du protocole. Hey, parle-moi de Mike White. Là, il s'est blessé, là. Oui. Est-ce que sa blessure est grosse parce qu'elle est sérieuse? Ben, c'est une commotion cérébrale, je crois. C'est ça? Bonne question. Mais c'est parce qu'il y avait quand même des belles attentes. Je veux dire, il a surpris la semaine passée complètement là, contre les Bengals. Il a créé la controverse. Là. Ouais. Puis l'autre n'a pas été mauvais cette semaine, celui qui l'a remplacé. Là. 300 ben, verges. C'est ça. Hein? Au-dessus de 400 verges. Puis, donc, mais. Attends, je regarde vite. Ah oui, c'est une blessure à son avant-bras, son bras de lancer. Mais il risque d'être correct pour la prochaine semaine. Donc là, on se pose bien des questions sur Zach Wilson aussi. Donc, Zach Wilson, j'espère qu'on va lui laisser tranquille. Là, parce que, écoute, c'est un blue chip, hein, c'est un choix de deuxième overall. Donc, Manny, là, puis son talent, il est pas. On ne peut pas douter de son talent. Là. Non, puis il faut calculer qu'est-ce qu'il y a autour de lui aussi. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je suis d'accord. Là. Donnez-y au moins 2-3 ans. Là, la même chose comme Tua et tout ça. Donc, tu l'as très bien dit. Mais ça crée quand même une petite controverse. Ça crée beaucoup de questionnements pour les Jets de New York avec ça. Donc, on va y aller avec les matchs de semaine, Tony. Cleveland-Cincinnati, c'est le meilleur match de semaine. Oui, exactement. Comme on a mentionné, un match de division tellement important. Les deux équipes jouent en ce moment dans une division qui est assez serrée avec Cleveland, avec 4 victoires, 4 défaites. Puis là, Baltimore qui mène avec 5 victoires, 2 défaites. Deux équipes, là, Cincinnati et Cleveland, qui doivent vraiment bien performer parce que, justement, si une des deux équipes perd ce match-là, ça va être difficile pour le reste de la saison. Cincinnati qui a perdu contre les Jets. On va voir comment ils vont rebondir comme équipe, tout ça. Attention à Joe Burrow contre la défensive des Browns. Elle est quand même solide. Les Browns sont capables de gagner sans OBJ. Fait que je ne verrais pas pourquoi si ce match-là ou cette équipe-là va être, on va dire, déstabilisée ou distraite à cause de tout ça. Donc, un gros, gros match pour les deux équipes. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les Bengals, comment ils vont bondir. Parce qu'autant, c'est une passion, on était content de les voir gagner contre Baltimore, à Baltimore. Autant, exact. On était déçus la semaine passée également de les voir perdre contre les Jets à New York. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver là-dessus. C'est la jeune équipe. On va voir comment ils vont rebondir. On a hâte de voir ça. En tout cas, si les Browns font ce match-là, on va se poser beaucoup de questions. OK. Deuxième match de la semaine, quoi? Green Bay-Cincinnati? Oui. Green Bay-Kansas City, j'ai Tennessee, ouais, les Rams Tennessee, aussi. OK, donc... Je veux dire... J'ai hâte de voir Derek, sans Derek Henry, comment... Ben, on va chercher Adrian Peterson. Oui, ben, c'est de l'expérience, mais c'est beaucoup de pression pour Ryan Tannehill, parce que la raison pourquoi on est allé chercher Adrian Peterson, c'est qu'on va espérer que Ryan Tannehill peut amener l'équipe, l'attaque jusqu'à la zone payante, jusqu'à la red zone, mais ça va être beaucoup de pression de Tannehill, parce qu'on sait que Tannehill a de la difficulté quand Derrick Henry ne fait pas, ou quand le jeu au sol est puissant. Donc, c'est beaucoup de pression pour Ryan Tannehill. On a hâte de voir comment ils vont réagir avec ça. Puis pour venir à Adrian Peterson, c'est ça, là, c'est que c'est pas Peterson qui va avoir là, beaucoup de volume comme Henry a, il n'aura pas, fait que c'est pour ça. Ryan Tannehill doit amener son attaque dans la zone rouge pour que Peterson puisse les amener dans la zone début. C'est ça le but. Mais c'est beaucoup de pression pour Tannehill. Puis on a hâte de voir les Rams avec Von Miller, comme on a mentionné tantôt. C'est une équipe vraiment complète. Elle devrait dominer ce match-là. Mais comme je vous ai dit, Tennessee qui est vraiment dans la course, ça fait beaucoup mal parce qu'on les voyait gagner leur division. Mais là, avec la perte d'Henry, Indianapolis, les Colts vont vraiment bien, vont les chauffer d'ici la fin de la saison. OK, on va y aller avec maintenant. C'est pas mal les matchs de la semaine dans la NFL. Et Tony, tu es un amateur de soccer aussi, donc c'est une chronique de la NFL, mais je veux parler un petit peu du Canada. C'est du football. C'est aussi le Canada qui va jouer contre le Costa Rica et le Mexique. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu vraiment le Canada proche de la Coupe du monde de soccer. Là. Moi, je m'en rappelle. Je me rappelle du match contre la France. Je l'avais écouté, puis ça était bien sorti. C'est pas mal le fun, hein? Ah, c'est excitant pour le soccer canadien, finalement, parce qu'on voit le programme qui est quand même bien dirigé. On a des bons jeunes joueurs. On est vraiment proche. Je pense que le Canada est vraiment bien dirigé pour ça. J'ai bien hâte d'avoir du résultat. On va les chauffer, ces équipes-là. C'est vraiment un gros test. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on est vraiment dû pour le sport qui est le plus pratiqué au pays. On devrait ça va faire avoir un boom terrible. Si on s'en va à la Coupe du Monde l'an prochain, ça va faire un boom terrible. Dernier point, le CF Montréal, est-ce que l'impact revient? Je pense que entre les quatre murs, l'impact devrait revenir. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est vraiment une gaffe monumentale. J'ai regardé tes réseaux sociaux, puis je sais le monde a décroché à cause de tout ça. Moi, il y avait bien des choses, là, parce que je suis dans le domaine des médias, puis moi, je déteste la manière qu'ils se comportent. Ils se comportent comme si c'était canadien, puis ils sont canadiens, sont à... On n'est pas capable d'avoir de joueurs, ils sont arrogants, puis alors qu'ils devraient tout être là. Puis pour faire affaire avec les Alouettes, j'ai tout ce que je veux des Alouettes. Là. Donc, exactement. Ben, c'est une des raisons que Kevin Gilmore est plus là. Et je ne sais pas, il se pensait au-dessus de ses affaires. C'est ça qui m'a fait vraiment... Là. Regarde, c'est ça qui m'a fait décrocher, qui a été le point final. Tu sais, dans 10 ans, là, tu veux faire un match des anciens. Là. Tu ne peux pas faire un match ancien. Je veux dire, vu que ça n'a pas été, tu sais, on n'a pas fait un an, ça, je pense qu'avec la pandémie et tout ça, je pense que je le ferais le move. Je reviendrai à l'impact parce qu'on va être capable de l'oublier. Fait que je pense que c'est une belle occasion pour recommencer à zéro, mais comme j'ai mentionné, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas, tout va changer, le branding, l'inventaire, tout ça. Tu reviens à l'ancien logo, puis tu reviens à tout. J'imagine que ça coûte moins cher revenir l'impact que... Ouais, t'as raison. Que changer. Mais j'ai hâte de voir comment ça va réagir. J'avais une entrevue cet été avec un gars de RMC France et de France Football qui suit la MLS. On parlait de l'euro, puis on a parlé de l'impact, puis c'est une catastrophe. On était en France, là. C'était une catastrophe de changer de nom. Même toi. Ben, c'est drôle parce que même moi, là, vous allez rire un peu parce que moi, je ne suis pas vraiment dans. Tu sais, même le Blitz NFL, je me suis posé la question parce que ça fait déjà 10 ans. Puis là, je me suis posé la question de peut-être enlever le NFL dans le nom, puis peut-être rajouter. Puis tout le monde, des experts en marketing que je connais très bien autour de moi, ils me disent, tu changes jamais ton nom parce que tu l'as bâti, tu as une certaine reconnaissance. Fait qu'imagine l'impact. C'est 10 fois, 100 fois plus gros que moi, là. Ouais. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment une grosse crampe au cerveau. Puis je peux pas croire qu'ils ont pas écouté, entendu leurs partisans à ce niveau-là. C'est une gaffe monumentale. C'est un cas que tu fais pas en marketing à tous les niveaux, là. Ouais. On s'en reparle la semaine prochaine, même au même poste. Excellent. Bon football. C'est internet,